tétane et chaleur stérile causée par le vide intérieur. Quand il riait, il expulsait le vent qui traversait sa tête. Emblème de la vacuité, il a fini par imploser. Un grand mot ténébreux et l'horizon de ses pensées était borné par ses narines. Il brassait, brisait, broyait l'air et peignait dans la nullité, attendant d'être résorbé. Rien à dire, rien à lire, ni rien à faire. C'est un chanteur qui priait le grand néant omnipotent. Puisque ton règne est fait sur terre, crache-moi du fond des cieux, donne-moi quelque chose à faire. Et délivre-moi du vide, délivre-moi du vide, du vide, du vide, du vide.